C'est une catastrophe. On a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu ? Je n'ai rien perdu. Je parle du match d'hier. Notre équipe a perdu. On n'a pas marqué un seul but. 0-3. Les autres ont été vraiment plus forts. Je vois. Le gardien n'a pas été bon. On a fait des erreurs. Mais surtout, on n'a pas eu de chance. Bon, ça va. Tu as fini de dramatiser. C'est seulement un match. Ce n'est pas la fin du monde.